Ihr habt ihre Beschwerden gehört. Was sind die Freude und Frieden? Amen. What makes you sad? Are you getting it? The Lord hears it. He sees it. And it makes him sad also. Mm-hmm. That you cannot trust him. Der Herr sieht das und hört das und es macht ihn traurig, dass wir ihm nicht vertrauen können. Ouais. Donc l'Éternel, il voit nos cœurs, il voit quand on doute, on voit quand on ne fait pas confiance et ça peut l'attrister. Et, He said, therefore the Lord heard it and was wroth. So a fire was kindled against Jacob and anger also came up against Israel. Verse 22. Because they believed not in God and trusted not in his salvation. Amen. You are to trust your salvation. Du musst trust deiner Errettung vertrauen, Christus in dir vertrauen. Mm-hmm. Parce que il ne crut pas en Dieu, parce qu'il n'avait pas confiance dans son secours. On doit faire confiance à l'Éternel. On doit faire confiance. Et croire qu'on est vraiment sauvé, qu'on est réellement sauvé. In verse 23, he said, though he had commanded the cloud from above and opened the doors of heaven, verse 24, and had rained down manna upon them to eat, and had given them of the corn of heaven. Praise the Lord. Ice cream just come from heaven. Amen. Amen. Anytime I'm reading here, I remember ice cream. Verse 25. Man did eat angels' food. Are you getting it? Mm-hmm. Upon all. They ate angels' food. Upon all. Der Mensch aß das Brot der Starken, das Brot von Engeln, und dennoch haben sie ihm nicht vertraut. Verset 25, on voit qu'ils ont, ils mangeaient tous les pains des grands. Et leur envoya la nourriture à satiété. Mais l'homme n'a toujours pas cru. Oh. Yeah. He sent them to the fool. Verse 26. Verset 26. He caused an east wind to blow in the heaven. And by his power, he brought in the south wind. Verse 27. He rained flesh upon them as dust and fattened fowls. Like as the sound of the sea. 28. And he let it fall in the midst of their camp, round about their habitations. Verse 29. So they did eat, and were full, well filled. For he gave them their own desire. Praise the Lord. Amen. Is somebody getting something here? Amen. Amen. Then we are, you know, verse 30. They were not entangled from their lusts. But while their meat was yet in their mouths, verse 31, the wrath of God came upon them and slew the fattest of them and smote down the chosen men of Israel. For all this they sinned still and believed not for his wondrous work. Are you getting it? The same all over today. And he did the same thing. People are not believing in him. You preach Christ to them, they don't want to receive. Mm. Amen. You tell them you have the solution to their problems. Christ is the solution to all problems. Amen. Mm. If you have him, you have solution to all problems in this world. Amen. Die Leute wollen dir nicht glauben, du sagst ihnen, dass du die Lösung hast für all ihre Probleme, weil wenn du Christus hast, hast du die Lösung, aber sie glauben dir nicht, weil sie nicht an Christus glauben. Et c'est la même chose aujourd'hui. Même quand on prêche aux gens, on leur dit que la solution à chaque problème est Jésus-Christ et ils ne veulent pas le croire. You know, when I see them, sometimes I'm so sad because when they are talking, I just say, I have all the solutions. I have the solution to all your problems from A to Z. Then will you receive it? Mm. Christ Jesus is the solution. Manchmal, wenn ich höre, wie sie miteinander sprechen und ihre Probleme miteinander teilen, kann ich nur mit dem Kopf schütteln und mir denken, ich habe die Lösung zu all diesen Problemen, aber werdet ihr die akzeptieren? Würdet ihr diese Lösung annehmen? Werdet ihr die Wahrheit Jesus Christus akzeptieren? Donc, j'ai pitié avec ces gens quand je leur vois, quand je prêche à ces personnes, je leur dis que la solution à tous les problèmes, c'est Jésus-Christ, mais ils rejettent toujours la vérité, ils rejettent toujours Jésus-Christ. Amen. They said they are sick. They are this. They don't have peace. They don't. The Prince of Peace. You cannot. That's why Jesus is so different. You cannot come to him and not have peace. Because he himself is peace. Is peace. Aber wer den Frieden fürchtet nicht, der selbst Frieden ist, das ist so klar, dass wir keinen Frieden haben. Wie können sie auch Frieden haben ohne Frieden selbst? Ils disent par exemple qu'ils sont malades et ils sont pas conscients que Jésus-Christ lui-même est la guérison, ou alors qu'ils ont pas de paix, or que Jésus-Christ est aussi appelé le prince de la paix. You know, Jesus will not only give you peace. You cannot come to him and not have peace. It's impossible. Because he himself is peace. Amen. Jesus gibt dir nicht nur Frieden, sondern er ist Friede. Du kannst nicht zu ihm kommen, ohne Frieden zu erlangen. Das ist wohl. Tu peux pas venir vers Jésus-Christ, être en Jésus-Christ et pas avoir la paix, parce que il est la paix. Amen. Amen. Amen. You can't know, you know, he will not just only give you joy. Amen. Because even when he is giving you joy, he is giving you himself. Because that is who he is. Amen. He is joy. He is life. That's why you have his life today. Amen. You are not just, he did not just give you life. You embrace him, you have him. He is your life. Er ist dein Leben. Er hat dir das sein Leben. And I am commission. That is why you cannot come to him and be dead. Amen. And be a dead man. Yeah. It's not possible. Because there is no death in him. Amen. Deswegen kannst du nicht zu ihm kommen und tot bleiben, sondern du wirst lebendig. Du musst sozusagen auferstehen, du musst lebendig sein, weil er das Leben ist und ihm kein Tod ist. Ouais, c'est la raison aussi pour laquelle tu ne peux pas venir vers Jésus-Christ et ne pas être né de nouveau, ou plutôt ne pas être ressuscité, parce qu'il est la résurrection et il est la vie. Donc si tu es en lui, si tu as Jésus-Christ, tu as la vie. Praise the Lord. Alléluia. Verset 32. For all these they sin still, and believe not, for his wondrous works. Verset 33. Verset 33. Therefore, their days did he consume in vanity, and their years in trouble. Verse 34. When he slew them, their days sought him, and they returned and inquired early after God. Verse 35. And they remembered that God was their rock, and the high God their redeemer. Nevertheless, they did flatter him with their mouth, and they lied unto him with their tongues. Are you getting something here? Are we still like that today? Sind wir immer noch heute so? You know, if you believe you are saved, are you still like that today? Du glaubst, du errettest, bist du denn noch immer noch so? Bist du immer noch ein Heuchler? Bist und lügst mit deiner Zunge, weil du nicht die Wahrheit sprichst von Christus? Et même si tu es né de nouveau, est-ce que tu as encore ces mêmes pensées? Est-ce que tu n'as pas encore renouvelé tes pensées? Praise the Lord. Alléluia. For their heart was not right with him. Verse 37. Verset 37. Neither were they steadfast in his covenant. 38. And he, being full of compassion, forgave their iniquity. Mm-hmm. Praise the Lord. Alleluia. Compassion. You know, Jesus was always, when he was here, when he came here physically, he was always full of compassion. Jesus war voll von Barmherzigkeit, als er hier war. Amen. Et Jésus, sa miséricorde, Jésus-Christ lui-même, quand il était ici sur le monde, il est aussi rempli de miséricorde. He said, forgive their iniquity and destroy them not. Yea, many a time turned he his anger away and did not stir up all his wrath. Verse 39. For he remembered that they were but flesh. Are you getting something here? A wind that passeth away and cometh not again. How oft did they provoke him in the wilderness and grieve him in the desert? Yea, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. You are the only one that can stop God from working for you. Du bist der Einzige, der Gott davon aufhalten kann, abhalten kann, für dich zu wirken. Tu es la seule personne qui peut empêcher Dieu d'agir pour toi. Amen. Amen. They remember not his hand, nor the day when he delivered them from the enemy. They remember not. Die gedacht nicht an den Tag. They remember. You know, we just talk about remember today. To remember things. To remember Christ always in everything. Uns an das Erinnern gesprochen. Uns immer wieder an Christus zu erinnern, allem, was wir tun. Ouais, et ils n'étaient pas capables de se rappeler de la personne qui les a sauvés, qui les a libérés. Amen. Amen. Et Satan is bringing fear, remember Christ. Der Satan Angst bringt, erinnere dich an Christus. Donc si le diable par exemple te menace avec la peur par exemple. Amen. Rappelle-toi de Jésus-Christ. If anything outside is speaking to you, you remember Christ. Wenn etwas zu dir spricht, erinnere dich an Christus. Et si quelque chose, si les circonstances te parlent, rappelle-toi à Jésus-Christ. The Holy Ghost works for Christ's sake. Mm-hmm. And not for any other thing. Arbeitet um Christus willen, nicht gegen einen anderen Grund. Ouais, parce que le Saint-Esprit travaille pour la volonté de Jésus-Christ et pas pour une autre volonté. Praise the Lord. Alléluia. You can read it here so on and so forth. Amen. No, continuously. Amen. Up to verse 58. For they provoke him, verse 58. 58. Verset 20, 58. You can read the rest yourself. Amen. Amen. For they provoked him to anger with their high places. And move him to jealousy with their graven images. Praise the Lord. Mm-hmm. Amen. You know, people have different graven images to do. Your job can be your graven image. Dein Job kann dein Götzenbild sein. Mm-hmm. Amen. So sind Götzen französisch. Yes, yeah, we'll read 38. Idol, ouais. Ah, ouais, merci. Ouais. Amen. Thank you. Et les gens aujourd'hui, enfin nous aussi aujourd'hui, on a des différents idoles qu'on continue à glorifier, qui rend l'Éternel jaloux. Amen. On doit s'examiner et voir c'est quoi ces idoles. Your desire can be your graven image. Amen. Deine Wünsche können deine Götzenbilder. Mm. Tes désirs peuvent être tes idoles. Amen. Ouais. I want to make it in life can be your graven image. Mm. I want to make it. I must be famous. Erfolgreich zu sein auf dieser Welt. I don't fight to be famous. Kann ein Götzenbild sein. Amen. Ich kämpfe nicht darum, erfolgreich zu sein. I don't want people to know me. Who are you? I don't want you to know me. No Christ. Donc ouais, ton désir d'avoir d'être riche ici sur terre ou alors d'être connu. Tout ça peut être ton idole qui t'empêche d'avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Amen. Amen. I don't want to be known. I want Christ to be known. Amen. That's all. Mm. Donc, et ce qu'on doit vouloir, c'est pas d'être connu, mais que Jésus-Christ lui-même soit connu. Because you cannot know me without knowing Christ. Amen. Du kannst mich nicht kennen ohne Christus zu kennen. Parce que tu peux pas me connaître sans connaître Jésus-Christ. Once you know Christ, you will know me. Wenn du Christus erkennst, wirst du mich erkennen. Parce que si tu connais Jésus-Christ, tu vas aussi me connaître. Somebody getting something. Praise the Lord. Alléluia. People are fighting to be known, to be worthy, to be like Solomon. The Bible said greater than Solomon is here. Who are you? You don't even know who you are. Wie gesagt, wir sind größer als Salomo. Das heißt, wir wissen anscheinend nicht, wer wir sind. I don't want to be like Salomo, you pray to be like me. Amen. Et la Bible nous dit qu'on est plus grand que Salomon, mais le monde veut être, les gens de ce monde veulent être comme Salomon. Ça nous fait voir qu'on ne connaît pas notre identité si t'es un enfant de Dieu. Praise the Lord. Salomo soll lieber beten, so wie ich, zu werden, zu sein. Das haben seine Leute sogar, dass sie immer wieder gesagt haben, dass die Leute, die in dieser Zeit, in diesem neuen Bündnis leben werden, diese Leute beneiden sie. Donc c'est plutôt Salomon qui doit prier d'être comme moi. Et la Bible aussi nous montre que beaucoup de prophètes ou des gens dans la Bible ont toujours dit qu'ils envient notre temps. You know, David was a king. David war ein König. Amen. Moi, c'est juste cette sortie concernant David. Amen. Mm. Romains 4. Romains 4. Amen. He was a king, but he admired the people of today, the children of today. He said, "Blessed are you that you are your iniquity that." You know, let's go there. Romans 4. Romans 4. Praise the Lord. Romains 4. All of them, they are admiring this time. You know, Matthew, when is it not Matthew, Luke 17, where Jesus said, "Blessed are your ears for what they see. Blessed are your eyes for what they see. Blessed are your ears for what they hear." The prophet and others, they labor to see, but they could not see them. But you are seeing them, you are hearing them today. Praise the Lord. Amen. Amen. What you have is greater than what they have. Amen. Amen. But upon all, we are not dissatisfied. Gesegnet mit unseren Ohren, weil wir unsere Augen wegen dem, was wir heute sehen dürfen. Und wir sollten zufrieden sein, dankbar sein mit der Wahrheit, die wir empfangen, weil diese Leute vom alten Bündnis das bewundert haben. Les gens dans l'ancienne alliance ont admiré ce qu'on a aujourd'hui. Donc on doit être satisfait parce que nos yeux, nos oreilles sont bénis. Then in verse 6, from verse 6, please. Romans 4, from let's just read from 6 to 8. Amen. Romans 6, verset 6 à 8. Romans 4, pardon, verset 6 à 8. He said, even as David also described the blessedness of the man whom God, unto whom God imputed righteousness without works. You are not qualified, but he imputes that righteousness upon you. You know, you are not qualified naturally. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Naturally, you are a sinner. Naturally, nothing is good. And that's why, you know, I want Christ to qualify me in everything. Mm-hmm. More than any other thing qualifying me. Mm-hmm. I don't want any result to qualify me in my university. Mm-hmm. Christ should be my qualification. Amen. Ich möchte nicht, dass mich irgendein Resultat qualifiziert, sondern Christus soll meine Qualifikation sein. Donc, on doit se rendre compte que Jésus-Christ nous qualifie pour tout. Peut-être notre nature charnelle n'est pas qualifiée pour certaines choses, mais on doit être conscient qu'en Jésus-Christ, on est capable de faire tout. Donc, c'est lui notre qualification pour tout. Praise the Lord. Alléluia. Even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Abraham only believed God. That was his righteousness. He did not say he did not sin, but he believed God. Abraham, par exemple, il a cru en Jésus-Christ, en Dieu, pardon. Et c'est ça qui l'a rendu juste. C'est pas qu'il n'a pas péché ou quoi que ce soit. C'est seulement sa foi en Dieu. Verset 7. Say, blessed are they whose iniquity are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. It's talking about you and me today. Amen. Il parle de toi et moi aujourd'hui, verset 8. We are blameless. Nous sommes... Praise the Lord. Sans faute, inaccusable. Amen. Amen. You know how true. They refuse. Remember him. Die ganze Zeit haben sie sich geweigert, sich an ihn zu erinnern. Mais pendant tout ce temps, ils ont refusé à se rappeler à Jésus-Christ. That's what this Thanksgiving was, you know, first once in a week, in a month, amen. Mm-hmm. It's all about that we remember, always remember to say thank you, Daddy. Mm-hmm. Call him Daddy. He's your father. Das wird's immer daran erinnern. He said, "Call no my father on earth except me." Yeah. Was unser Vater, unser Vater sozusagen für uns getan hat. Wir sollen niemanden Vater nennen hier auf Erden außer ihn. Et c'est la raison pour laquelle on a ce rappel, cette action de grâce mensuellement. C'est pour nous rappeler qu'il a tout accompli pour nous et pour nous rappeler de dire merci à notre Père. He is the only true Father. Er ist der einzige wahrhaftige Vater. Et nous nous rendre, on se rappelle aussi qu'il est le seul Père. And you have the children, your children to understand that. That you have just one Father, that is Christ Jesus. Verstehen, du hast nur einen Vater, das ist Christus Jesus. Et tu aides aussi tes enfants à comprendre ce fait-là, qu'on a seulement un Père et ce Père c'est Jésus Christ. You know that your natural Father never follow you to anywhere. Parce que votre Père charnel, votre Père naturel ne veut pas, est pas capable de vous suivre à chaque endroit. But he follow you everywhere. Amen. One third of you is him. If one third of you is him, he is everywhere. Anywhere you not, you know, nothing can separate you. You are in anywhere, he is there. He will not leave you, he will not forsake you. That's his promise. Und das ist ein Versprechen, and it's not a man that should dass er uns niemals alleine lassen wird. Er ist kein Mensch, der lügt. Et Dieu nous, si un tiers de toi est sauvé, et si un tiers de toi, donc ton esprit et Dieu, soit conscient que ce lien est valable pour tous les temps. Et praise rien ne peut déchirer ce lien. Donc ça veut dire qu'il te suivra partout. Et s'il a promis d'être avec toi pour tous les temps, amen, il va aussi le réaliser, amen, parce que c'est pas un menteur, notre Père. Please don't fail like them. Versagt bitte nicht so wie sie, amen. N'échouez pas comme eux, s'il vous plaît. The first church failed. They failed woefully. La première église a échoué. Amen. Ouais. Misérablement. Hébreux 4. They failed woefully. Don't fail like that. Let us not fail like that. Si vous... On n'a pas échoué comme eux. Praise the Lord. Amen. Amen. Hébreux 4, 1 et 2. He said, let us therefore fear. Amen. Lest the promise be left us of entering into his rest. Any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Praise the Lord. Hallelujah. Believe in, please. Croyons en Dieu, s'il vous plaît, en Jésus-Christ. No matter how powerful Christ's word is. Amen. Without faith, it can never work. Egal wie kraftvoll das Wort von Jesus Christus ist, ohne Glauben kann es nicht funktionieren. Malgré la puissance de la parole de Dieu, sans le Saint-Esprit, sa puissance ne peut pas se manifester. Amen. Without faith. The absence of faith. Okay, with merci. The absence of faith, it can never work. That's where we are. We already did. Peu importe la puissance de la parole de Dieu, si tu n'as pas la foi, cette puissance ne peut pas se manifester. Look at verse 2 again. Merci. He said, for unto us was the gospel preached. The same gospel that was preached to them is the same gospel that is preached to us today. Amen. As well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. You know the word that you have been hearing here and you are still hearing here today. Amen. No matter how powerful it is. Without faith, it profits you nothing. Das Wort, was du hier hörst, egal wie kraftvoll es ist, ohne Glauben nützt es dir nichts. Peu importe la puissance, la parole que tu entends ici, aujourd'hui, si tu mélanges pas cette parole avec la foi, ça te servira à rien. And that is why we are not saved by grace alone. We are saved by grace through faith. Amen. Deswegen sind wir nicht durch Gnade alleine errettet, sondern... Ephesians 2:8. Let's go there, please. Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas sauvés seulement à travers la grâce, mais à travers... Non, seulement par la grâce, mais plutôt à travers la foi par la grâce. Praise the Lord! Yeah. JK will help us to read verse 8. Epheser 2:8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist das. For by grace are you saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. He said, we are saved by grace. Wir sind durch Gnade errettet. By true faith. Mm-hmm. On est sauvé par la grâce, mais à travers la foi. Amen. Amen. You have to balance grace and faith. Wir müssen Gnade und Glauben ausgleichen. Donc on doit équilibrer la grâce et la foi. The balance of grace and faith is very, very important. Der Ausgleich zwischen Gnade und Glauben ist sehr wichtig. L'équilibre entre la foi et la grâce est très, très important. It is not grace without faith. Es ist nicht Gnade ohne Glauben. Donc il ne s'agit pas de la grâce sans la foi. It is also not faith without grace. Es ist auch nicht Glauben ohne Gnade. Tout comme ce n'est pas la foi sans la grâce. Grace alone is deadly. Gnade allein ist tödlich. Parce que la grâce seulement la grâce est mortelle. So also faith alone is deadly. Glauben allein tödlich. Tout comme la foi aussi seule est mortelle. Grace without faith is evil. Gnade ohne Glauben ist bösartig. Parce que la grâce sans la foi est mauvaise. So also faith without grace is evil. Genauso ist der Glaube ohne Gnade bösartig. Tout comme la foi sans la grâce aussi est mauvaise. I hope you know the difference. Amen. Mm. Grace is what Jesus did for you. Gnade ist das, was Jesus Christus für dich getan hat. J'espère que vous connaissez la différence parce que la grâce est ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Faith is you believing on what he did. Ist an das Glauben, was er getan hat. La foi, c'est de croire en ce que Jésus-Christ a fait pour toi. There are some denominations to the churches, amen. They have their message just about grace, grace, grace, grace. And it's so evil. Yeah. Amen. Es gibt ein paar Gemeinden, ihre Botschaft ist immer nur über die Gnade, Gnade, Gnade. Und das ist bösartig. Il y a certaines églises où il s'agit seulement de la grâce et rien d'autre. Amen. Mm. There are some that are just about faith, faith, faith, faith. Mm. Well, your faith can move mountains, it can move God, it can move anything. Your faith can only move you. Mm. Not even God. Mm. And Jesus, God is Jesus that moves God. Mm. Your faith moves you. Mm. If you look at the woman with issue of blood, amen. Her faith moves her to collect what Christ has for her. Amen. Und genauso gibt es auch Gemeinden, wo es die ganze Zeit nur um Glauben, Glauben, Glauben geht. Wo Leute, die sagen, glaub einfach und alles, was du willst, alles, was dir gefällt, alles, was dir passt, wird dir dann einfach so gegeben. Aber da ist nicht Jesus Christus, weil dein Glaube bewegt nicht Christus, dein Glaube bewegt dich selbst, das zu akzeptieren, anzunehmen, was die Gnade versorgt hat, das, was Christus gestorben ist. Genauso wie bei der Frau mit den Blutungen. Im Glauben ist sie auf Christus zugegangen, hat ihn berührt und hat dann so das empfangen, was der Herr schon hatte, nämlich sich selbst. Donc, et il y a aussi d'autres églises où il s'agit seulement de la foi, de la foi, de la foi, mais où ils disent que ta foi va un peu déplacer les montagnes ou quoi que ce soit, mais on doit savoir que ta foi peut seulement te bouger, te motiver toi-même, mais pas bouger Dieu, parce que c'est ta foi envers Jésus-Christ qui peut bouger l'Éternel, parce que c'est Jésus-Christ qui bouge l'Éternel. You know, Titus. Comme avec l'exemple de la femme avec qui saignait dans la Bible. Quand Jésus-Christ a dit qu'il y a une personne qui m'a touché avec la foi. Praise the Lord. Amen. Titus 2, verse 11. Titus 2, verse 11. Quickly go there. Tite 2, verset 11. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Tite 2, verset 11. Praise the Lord. Hallelujah. He said the grace appeared to all men. The grace is for all men. It's for everybody. Die Gnade ist für alle Menschen. But you need your faith. Mm. Aber sie braucht den Glauben. La grâce est pour chaque être humain, mais elle sert à rien sans la foi. Amen. Amen. But you today you can see that it is not all men that are saved. Wir sehen nicht jeder Mensch ist errettet. Though the grace is for all men. Auch wenn die Gnade für alle ist. Malgré que la grâce est pour tous les hommes, pas tous les hommes sont nés de nouveau, sont sauvés. Amen. Amen. If grace alone can save you, everybody will be saved today. Wenn Gnade allein dich retten könnte, wäre jeder errettet. Amen. Parce que si la grâce de Dieu suffisait, tout le monde devait être sauvé aujourd'hui. Even Jesus himself said, he said the gate to hell is so wide. And a lot are rushing through it. Jesus hat selbst gesagt, dass das Tor, was in die Hölle führt, ist so breit und so groß, dass so viele Leute da durchströmen. Das heißt, Leute gehen in die Hölle, Leute. Though the grace is for them. Obwohl Gnade ihn auf einem Silbertablett serviert wurde. What Jesus did for us is for them also. Et on peut voir que malgré que la grâce est pour tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont en train de courir, de foncer vers l'enfer. Or que Jésus-Christ est aussi mort pour eux. Amen. Amen. Grace is the finished work of Christ. He needs your cooperation. Gnade ist das fertige Werk von Christus. Es braucht deine Kooperation. La grâce est l'œuvre accomplie. De Jésus-Christ, mais elle a toujours besoin de ta coopération. You know, grace will not force you. Christ's grace will not force you to be saved. Die Gnade von Christus zwingt dich nicht errettet zu werden. Parce que la grâce de Jésus-Christ ne va pas te forcer à être sauvé. Amen. If you do not balance grace and faith, they will become evil for you. Wenn du Gnade und Glaube nicht ausbalancierst, wird es bösartig für dich enden. Parce que si tu n'es pas capable à équilibrer la grâce et la foi, la fin pour toi sera mauvaise. If you are seeing Titus 2. Verse 2, it says teaching us. Grace teaches us. It's a teacher. Die Gnade ist ein Lehrer. On peut voir que la grâce est un professeur, est un enseignant. Amen. Grace means Christ is telling you, I love you. And what do? You tell him, I love you too. And not thank you. Are you getting it? Somebody tell you, I love you. And will you say thank you? That's not the reply. Yeah, danke. Amen. Ja, und genau, Gnade ist zu sagen, ich liebe dich, aber wenn jemand zu dir sagt, ich liebe dich, sagst du nicht danke, sondern du sagst, ich liebe dich auch. Du nimmst das nämlich an, du akzeptierst das im Glauben und gibst das zu. But in Deutschland, they don't say it. It seems they don't say, I love you too. They say thank you here. Oder? I don't know, because... Ouais, okay. Donc comme on peut voir, comme la grâce est un nous enseigne, c'est la grâce, c'est Jésus-Christ qui nous dit par exemple je t'aime, et nous on doit répondre avec je t'aime aussi. On va pas dire merci seulement, et c'est comme ça qu'on peut équilibrer la foi et la grâce. You know, love is reciprocate. Liebe ist sollte auf gleich gegenseitig. Genau, danke schön. If somebody say I love you, that person expecting you to love him in return. Liebe sollte auf Gegenseitigkeit beruhen. Wenn jemand sagt, ich liebe dich, sollte die Person dich auch zurücklieben. L'amour doit être réciproque. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Even so, he said, teaching us that denying of godliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, godly in this present world, and not after you die. Und nicht right now. Jetzt. To live perfectly, you need grace. Damit wir vollkommen leben, brauchen wir Gnade als unser Lehrer, nicht erst nachdem wir sterben, also oder schlafen bei Christus sind, sondern jetzt hier auf dieser Welt brauchen wir diese, ist das diese Gnade, die uns hilft. Mm. Donc la grâce nous enseigne comment mener une vie divine ici sur terre et pas seulement après la mort. Praise the Lord. Alléluia. You know, learn to confess Christ, but not without grace. Lernt Christus zu bezeugen, aber nicht ohne Gnade. Ouais, on doit savoir comment confesser Jésus-Christ, mais pas sans la grâce. Please listen. Learn to confess Christ. Learn to confess the truth, but not without grace. Lernt Christus zu bezeugen, die Wahrheit zu bezeugen, aber nicht ohne Gnade. I will explain. Encore une fois, apprenez à confesser Jésus-Christ, à confesser la vérité, mais pas sans la grâce. Amen. Once you are confessing Christ, without grace means you are under faith alone. But with grace, you are confessing the finished work of Christ. You are saying the deed has been done. It is impossible for you to fail. Mm. I don't know if you are getting it. If it is impossible for you not to have victory. Because the Lord said, in the world you will have tribulation. But be of good cheer. Rejoice because I have overcome those problems. Before any problem comes to God's children already have victory. Those problems, they came to meet you with Christ Jesus. I don't know if you get it. Die Bezeugung muss immer mit dem fertigen Werk von Jesus Christus zusammenhängen, dass ich habe den Sieg, weil eben Jesus Christus diese Welt überwunden hat. Ne? Oder ich bin schon gesund, weil Christus geschlagen worden ist und deswegen bin ich schon geheilt. Also es darf nicht ohne sein Werk sein, also ohne die Gnade darf unsere Bezeugung nicht sein. Donc quand on confesse quelque chose, on doit toujours... on peut confesser quelque chose, mais pas sans penser à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Parce que si tu confesses seulement quelque chose sous la foi, tu... Si tu confesses seulement avec la foi, ça te sert à rien. C'est comme si tu crois que toi, tu peux... Tu peux l'accomplir. Tu peux faire le travail. Mais par contre, quand tu fais avec la grâce, toi, tu crois que l'Éternel a déjà accompli avec toi-même. Avant que le problème puisse être venu, il a déjà vaincu, il t'a déjà donné la... Yeah, come as well. Oh. Are you getting it? Ouais. Let me try it again. Donc, quand tu confesses quelque chose, tu dois le faire... En pensant aussi à la grâce, à croire que... It's French, still. Donc tu dois croire aussi que Jésus-Christ l'a déjà accompli. Il ne s'agit pas de seulement confesser quelque chose basé sur ta foi, mais tu dois l'équilibrer aussi avec la grâce de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, learn to confess Christ, but not without grace. Lernt Christus zu bezeugen, aber confessing nicht ohne Gnade. Christ is confessing faith. Amen. Faith. Confessing Christ is confessing faith. You learn to confess it, but not without the finished work of Christ. Amen. Not without grace. Weil Christus zu bezeugen heißt, Glauben zu bezeugen. Und wir bezeugen diesen Glauben nicht ohne das fertige Werk von Jesus Christus. Amen. Quand tu confesses Jésus-Christ, tu confesses ta foi, mais pas sans la grâce de Jésus-Christ. Donc sans pas l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Because grace helps you to stand. Denn it's an anchor. Hilft uns, standhaft zu bleiben. Es ist ein Anker. Grace, jetzt. Yeah. Gnade. Ouais. Parce que la grâce est comme... nous aide à rester debout, à rester ferme sur une place. C'est comme... Ancre, c'est comme un... L'ancre. Comme un ancre, ouais. Amen. Amen. It is the nail you used to have picture on the wall. Ist dieser Nagel, womit du ein Bild something on the wall, an die Wand hängst. Das ist das, die Säule sozusagen, was alles trägt. C'est comme un pilier, c'est comme ouais, c'est comme ouais, on peut comparer ça à un pilier. Amen. Amen. You know, because faith without grace, you're without. Amen. Faith with grace, there is no doubt. Because it is finished. It is a finished work. But it's not maybe it will happen. Mm. It has happened. Amen. Bei Glaube ohne Gnade, da ist Raum für Zweifel. Aber bei Glaube aus der Gnade heraus, da ist kein Raum für Zweifel, weil in der Gnade ist ja alles schon vollbracht durch Jesus Christus. Amen. Donc, parce que si tu as la foi sans la grâce, tu peux douter. Parce que si tu l'équilibres avec la grâce, tu vas croire que cette chose c'est déjà accompli, parce que la grâce, comme on a entendu tout à l'heure, est l'accomplissement de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Grace is the pillar. Gnade ist die Säule. La grâce est le pilier. And it will help you to stand so firm that you are movable. Und es hilft dir, the finished work of Christ is everything. Unerschütterlich bist. Mm. Et ça va t'aider à rester ferme. Amen. In anything at all, you go to the finished work. Remember it. Bei egal was, du gehst an das fertige Werk. Erinnere dich an das, was schon vollbracht ist. Amen. Donc peu importe la circonstance, tu te rappelles à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Amen. Amen. He finished everything and said it is finished. Er hat alles vollbracht und gesagt, es ist vollbracht. Il a tout accompli, il a dit que tout est accompli. Amen. Amen. You are not going to be saved, you are already saved. Du wirst nicht errettet werden, du bist schon errettet. Ouais, parce que tu seras pas sauvé, tu es déjà sauvé. You know, if you are going to do your exam and pass it, you will live the life of expectation. The exam has been done and you have passed. Amen. I don't know if I am. Because your salvation is your victory. Amen. Is somebody getting something here? Wenn du glaubst, dass du noch eine Prüfung schreiben musst und bestehen musst, dann wirst du in Zweifel leben. Aber wenn du glaubst, diese Prüfung schon geschrieben ist und schon getan hast, dann lebst du sozusagen in der Gnade, weil in der Gnade ist das alles schon vollbracht worden. Donc si par exemple tu as un examen, tu dois passer un examen et tu crois que tu vas réussir ton examen, tu laisses de l'espace pour le doute. Mais si tu écris ton examen et que tu dis que tu as déjà ton résultat est déjà positif, tu as déjà réussi ton examen parce que ton résultat est ton salut. Amen. Là il y a pas de place pour le doute. You know what you already have, you will never doubt. Was du schon hast, kannst du nicht mehr anzweifeln. You'll never be afraid of the result coming, because you already have it. Du wirst nicht mehr Angst haben vor dem Resultat, was kommt, weil es ist schon vollbracht. Quand tu vas jamais douter à quelque chose que tu possèdes déjà. What kind of faith is without expectation? Amen. If you are expecting, Satan will go through it. What about when you fail? I mean, maybe it's good for God wants you to fail. Why don't you fail? Because you are living in expectation. What you already have, nothing can change it. I don't know if somebody is getting it. Gottes Glaube ist ohne Erwartung. Was du schon hast, da wirst du nichts mehr darauf erwarten. Weil du hast es schon. Da kann der Teufel nicht mehr reinkommen und sagen, ja, was ist, wenn du es nicht hast? Was ist, wenn der Herr will, dass du doch die Prüfung nicht durchstehst? Nein, sondern du hast es schon bestanden, weil Christus es vollbracht hat. Parce que la foi en Jésus-Christ, la grâce en Jésus-Christ est sans attente et sans espoir, parce que tu crois que tu l'as déjà. Tu es convaincu que tu l'as déjà. Plutôt. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Don't ever allow your confessing faith to be without grace. Grace is the backbone. Gnade. The finished one, it is finished, is the backbone. And that is what you remind yourself with all the time. Es ist vollbracht, das ist das Fundament deines Glaubens von allem. Et donc, encore une fois, faut jamais quelque chose confesser la foi sans la grâce, parce que la grâce est comparable à la colonne vertébrale. Praise the Lord. Confessing faith without grace, Satan will use it against you. Wenn wir den Glauben bekennen ohne Gnade, wird der Teufel das gegen uns verwenden. Ouais, parce que si on confesse la foi sans la grâce, là tu permets au diable de l'utiliser contre toi, de t'accuser. Amen. If you confess faith with grace and allow grace to be the backbone, you will never doubt. You will not be afraid of what next. Amen. Or what am I going to do? Because I'm not doing anything because I have it. I already have it. So, there's nothing like what next if you already have it. Are you getting it? Wenn du glaubst, it is because it is when you don't have it that you are saying what next. Wenn du Glauben mit Gnade als Fundament bezeugst, dann wirst du dich auch nicht fragen, was als nächstes kommt, weil du alles ja schon vollbracht ist. Deswegen erwartest du keine weiteren Schritte, weil alle Schritte ja schon getan sind in Christus Jesus. Amen. Donc si tu confesses ta foi avec la grâce comme ton pilier, il n'y aura pas de place pour le doute. Parce que si tu crois vraiment que la chose que tu as confessée est déjà accomplie, il n'y a pas de place pour doute ou pour que le diable puisse utiliser la chose que tu as confessée contre toi. If you confess faith without grace, your understanding of things will be so wrong. Wenn du Glauben bekennst ohne Gnade, wird dein Verständnis so falsch sein. Parce que si tu confesses la foi sans la grâce, tu vas comprendre certaines choses de la mauvaise manière. Amen. Amen. You will understand things wrongly. Du wirst Dinge falsch verstehen. Tu vas mal comprendre les choses. Remember, the Holy Spirit is the spirit of understanding. Er ist der Heilige Geist, der Geist des Verstehens. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est l'esprit de la compréhension. And without grace, the Holy Spirit is absent. Mais sans la grâce, sans la miséricorde, non, sans la grâce, le Saint-Esprit est absent. Are you getting it? The Holy Spirit can only see grace. That is the blood. The grace is the blood. Amen. Until that's why I said, when I see the blood, I pass over. Amen. Things can only see the blood. The Holy Spirit needs the blood to do anything. That is grace. Der Heilige Geist braucht das Blut, um die Dinge the blood of Christ, God's blood. Das Blut, und das Blut ist die Gnade. Le Saint-Esprit a besoin de la grâce, parce que la grâce est le sang de Jésus-Christ. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, quand il y avait les plagues en français, quand il y avait les malédictions qui passaient les portes, qu'ils étaient couverts de sang. Donc quand l'Éternel voit le sang, il y a automatiquement la miséricorde. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit needs grace to do his job. Der Heilige Geist braucht die Gnade, um sein Werk zu vollbringen. Ouais, donc le Saint-Esprit a besoin de la grâce pour se manifester. Amen. Amen. Again, grace means what Christ did for you. Gnade bedeutet das, was Christus für dich getan hat. Donc encore une fois, la grâce veut dire ce que Jésus-Christ a fait pour toi. The Holy Spirit can only give you what Christ paid for. Der Heilige Geist kann dir nur das geben, wofür Jesus gezahlt hat. Ouais, parce que le Saint-Esprit peut seulement te donner ce qui a déjà été payé par le Christ. So confessing faith without grace, the Holy Spirit can do nothing. Amen. Glauben zu bekennen ohne Gnade, da kann der Heilige Geist nichts tun. Because he is not present. Weil er ist nicht dabei. You did not invite him. You invite him through grace. Du hast ihn nicht eingeladen. Lädst ihn ein durch Gnade. Donc on invite le Saint-Esprit à travers la grâce. Et si La grâce n'est pas présente. Quand tu confesses quelque chose, le Saint-Esprit n'est pas présent. Even in Old Testament, you know, even in Old Testament, if you see Moses found grace, if without grace, the Holy Spirit can. The Holy Spirit is the manifestation, the manifesting power of God. Without the Holy Spirit, nothing can be done. Jesus, when he was here, he needed one thing, that is the Holy Spirit. That's why he had to come down upon him. In Genesis 1, if you go to verse 1 and verse 2 there, he said, at the beginning there was, everything was present, including the Holy Spirit. Without the presence of the Holy Spirit, nothing will ever work in heaven. Ohne die Gegenwart des Heiligen Geistes funktioniert nichts im Himmel. Als Gott die Welt erschaffen hat, war der Heilige Geist auch gegenwärtig, weil anwesend, weil der Heilige Geist die manifestierende Kraft Gottes ist. Ne? Auch bei Mose, der Heilige Geist ist zwar gekommen und gegangen, aber Mose hatte Gnade. Deswegen war der Heilige Geist auch überhaupt anwesend, um durch ihn zu manifestieren. For him to come at all, that grace he must see it. If not, you are dead. It can kill you. It's like electricity. It can iron. It can make help you to watch television. If you put your hand wrongly, it will shock you and it will kill you. Le Saint-Esprit est la manifestation de la puissance de l'Éternel. Donc, sans le Saint-Esprit, rien n'est possible. Jésus-Christ avait aussi besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit est descendu sur lui afin qu'il puisse tout accomplir, accomplir sa mission, on peut dire. Même dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, dans Genèse, on peut voir que quand Dieu a tout créé, le Saint-Esprit aussi était présent. Donc sans le Saint-Esprit, rien ne peut la puissance de Dieu ne peut pas se manifester ici sur terre. Remember Ananias and Sapphira. They were not killed by Peter and the disciples. They said, why did you lie against the Holy Spirit? Und der Heilige Geist ist, and sin against him is a terrible sin. That there is no forgiveness. Und der Heilige Geist ist eine Person, aber er ist auch Kraft. Und diese Kraft kann retten, sie kann aber auch zerstören. Weil genauso wie Strom, ne? Das Strom kann dir helfen, Dinge zu benutzen, zu bügeln oder Fernseher zu haben. Das kann dir auch einen Stromschlag verpassen und dich töten, sogar im schlimmsten Fall. Und genauso ist es auch mit dem Heiligen Geist, der wenn man ihn, also dass die Sünde gegen den Heiligen Geist unverzeihlich ist. Und das genau auch bei Ananias und Sapphira, wie das gesehen haben, wie der Heilige Geist zwei Menschen getötet hat. Es waren nicht die Jünger, die getötet haben. Es war nicht der Teufel, der getötet hat, sondern es war der Heilige Geist. On peut voir que le Saint-Esprit est une personne et aussi une puissance, comme on peut voir dans Actes des Apôtres, quand Ananias et Saphir ont péché contre le Saint-Esprit. C'est pas Pierre ou les autres apôtres qui les ont tués, mais c'est le Saint-Esprit lui-même. Donc on peut voir aussi que c'est une puissance, et cette puissance peut être aussi destructive. Praise the Lord. Hallelujah. In Genesis 1, verse 1 and 2. Genèse 1, 1 et 2. Even up to 3. He said, in the beginning, God created the heaven and the earth. In the beginning, he created everything. He is the creator. Il est le créateur. Satan is not a creator. Der Satan ist kein Schöpfer. Le diable n'est pas un créateur. He was created. Er wurde geschaffen. Il a été créé. Amen. He was God created him and he called him Lucifer. Gott hat ihn erschaffen als ein Lucifer. Le diable a été créé par the Dieu. Son of the morning. Et l'a nommé Lucifer. Amen. Praise the Lord. Alleluia. You know God created everything including death. Gott hat alles erschaffen, auch den Tod. Dieu a tout créé, même la mort. Amen. Amen. People always think that Satan is the creator of death. No, he never creates anything. He does, you know, he takes whatever God creates and pollutes it. That's his system today. Leute denken, dass der Satan ein Schöpfer ist, aber ist es nicht. Er nimmt nur das, was Gott erschaffen hat und verdreht es. Mm-hmm. Beaucoup de gens pensent que le diable aussi peut créer des choses, mais Dieu est le créateur de tout. Le diable utilise seulement les choses que Dieu a déjà créées et les pollue. Praise the Lord. Alleluia. Let me just remind you of it a little bit. God created death without power. Mm-hmm. And introduced it to Adam in Genesis 2. Mm-hmm. He said, I created, death is there. Amen. Mm-hmm. I am the creator. But this death is powerless. Mm-hmm. Until you give him power, I cannot kill you. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. And he warned Adam against what we give that death power. Mm-hmm. We know that Adam violated it. Mm-hmm. And then death became so powerful. Mm-hmm. And Satan hijacked it. Has used it to threaten everybody today. Mm-hmm. But we thank the Lord Jesus. Amen. Amen. Amen. He came to free us mm-hmm. from the power of Satan and the power of death. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. What children, for you to be afraid of any death is not normal. Mm-hmm. Amen. Amen. Actually, death should be afraid of you. Mm-hmm. Praise the Lord. Alleluia. Und wir erinnern uns daran, dass Gott den Tod erschaffen hat, aber er den Tod kraftlos erschaffen hat und gesagt hat, dass zu haben, was wenn er sündigt, wird er dem Tod sozusagen die Kraft geben, ihn zu töten. Und er hat leider gesündigt, er hat Gott missachtet und dadurch den Tod die Kraft gegeben, ihn zu töten. Und seitdem hat der Teufel sozusagen die Macht über den Tod, aber durch Christus haben wir diese Macht wieder zurückerlangt. Aber wir müssen das wissen, weil sonst werden wir genauso in Angst und Furcht wandeln wie die Welt. Und deswegen, wenn wir das wissen, kann es eigentlich nicht sein, dass wir immer noch Angst haben vor dem Tod. Der Tod müsste eigentlich Angst haben vor uns. On doit comprendre que l'Éternel, il a créé le monde et il a créé aussi la mort. Et puis il a introduit la mort à Adam et Ève et à Adam. Et il a dit à Adam que la mort n'a pas de puissance. Mais si tu fais ce péché, tu commis ce péché, tu vas le rendre puissant. Et on sait bien que Adam a commis le péché et il a donné la puissance, la puissance à la mort. Et c'est pour cela le diable a eu cette puissance et a commencé à maltraiter les gens aujourd'hui. Mais on remercie l'Éternel pour Jésus-Christ parce que quand Jésus-Christ est venu, il s'est fait crucifier pour nous. Il nous a rendu le pouvoir et il a rendu la mort sans pouvoir, impuissant. Mais nous, les enfants de Dieu, on doit le savoir parce que si tu ne le sais pas et tu ne crois pas en Jésus-Christ, qu'il a déjà rendu la mort impuissant, toi, tu vas commencer à avoir peur comme ce monde. Et est-ce que les enfants de Dieu ne doivent pas avoir la peur? Normalement, c'est la peur qui doit avoir peur de nous. C'est la mort. Praise the Lord. Alléluia. The message we preach here is not religion. Die Botschaft, die wir predigen, ist nicht Religion. Le message qu'on prêche ici, c'est pas la religion. Amen. Amen. We are not preaching religion, and I'm not preaching to encourage you. I'm just revealing who you are to you. Amen. Amen. Moi, je ne prêche pas de la religion. Je ne prêche pas pour vous encourager, mais je vous révèle de votre identité. Because you are to know you. Amen. Parce que tu dois apprendre à te connaître. Amen. You are Christ. Tu es Christ. Amen. Tu es le Christ. Praise the Lord. Alleluia. In verse 1 and verse 2, it says, in the beginning was God created the heaven and the earth. And the earth was without form. Right, verse 2. A void. Verse 2. And darkness was upon the face of the deep. You see there? Darkness was there. Mm. You know, your problem can be there. Mm. Problème, can see, clean and clear. On voit qu'il y avait les problèmes, les ténèbres. Donc ça peut faire, on peut dire que tes problèmes sont visibles. And the Holy Spirit was there. The Spirit of God is the Holy Amen. Spirit. The Holy Ghost for that. You guys see this? Et l'Esprit de Dieu était là. Il va gegenwärtig. Il était présent. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. The Holy Spirit was present. The Holy Ghost for that. Are you getting it? Mm. Amen. L'Esprit de Dieu That's the power of manifestation. Était présent. Il était sur. Oui, il. au-dessus des eaux. Und das ist diese manifestierende Kraft. Et c'est la puissance qui se manifeste. Verse 3. And God said, your words. Deine Worte. Amen. Let there be light, and there was light. Amen. Because the spirit of manifestation is already present. Amen. Once grace is present, it's a done deal. Weil der Geist der Manifestation, yeah, die Manifestation gegenwärtig war. Weil wenn Gnade da ist, dann ist, kann der Heilige Geist arbeiten. Et puis l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit ça parce qu'il savait que l'esprit de la manifestation est déjà présent. Et dès qu'il est là, tu as aussi la grâce. Et la manifestation, c'est une chose qui doit venir, qui doit suivre après la grâce. Amen. Quand tu crois. Praise the Lord. Amen. You know, confessing faith without grace, there's something that will be present. The evil spirit will be present. The spirit of lies. Glauben auszusprechen ohne Gnade, dann wird der Lügengeist anwesend sein. Si tu confesses quelque chose sans la grâce, tu vas voir qu'il y aura un esprit qui est là-dedans et ce sont des esprits des mensonges, c'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Amen. That spirit will put you in expectation mode. Dieser Geist wird dich auf einen Erwartungsmodus bringen. Things will work out. Dinge werden klappen, Dinge werden funktionieren. Mach dir keine Sorgen. Du musst hart arbeiten. It's all about you. Es geht nur um dich. Parce que si tu, the Holy Spirit will say it's all about Christ. Amen. See the finished work. Parce que si tu confesses sans la grâce, il y aura un esprit de mensonge de, qui va te faire voir, te dire, genre, te mettre dans un mood que tu t'y attends à quelque chose. Tu t'y attends que tu vas voir, ça va arriver. Tu dois étudier, tu dois faire ceci, cela et ça va marcher. Mais si tu as, tu crois en Jésus-Christ avec la grâce, tu confesses avec la grâce, là il y a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui sera présent, qui va te dire, tu vas te diriger, va te dire, regarde à l'accomplissement de l'Éternel, regarde vers Jésus-Christ. Et donc il ne s'agit pas de toi et de lui-même. Amen. Amen. And that's why those under the Lord, they confess faith. They confess it even more than you. But the evil spirit is there, the one walking. Amen. Die Leute im Gesetz, die bezeugen, immer wieder glauben. Aber es ist ohne die Gnade, ohne das Fertige von Christus und deswegen ist es bösartig. Et c'est pour cela les gens qui sont dans sous la loi sont en train de confesser, mais ils sont en train de confesser la foi, mais sans la grâce. Et là, c'est pour cela leur foi c'est toujours accompagné avec un esprit mauvais. Under law, you see yourself. Unter dem Gesetz siehst du dich selbst. Parce que sous la loi, tu te vois toi-même. You are so full of yourself. Du bist dann so voll von dir selbst. Tu es vraiment plein de toi, du soi. Amen. Amen. The Holy Spirit needs Christ's grace to do anything. Der Heilige Geist braucht die Gnade von Christus, um was in unserem Leben zu tun. Le Saint-Esprit a besoin de la grâce de Jésus-Christ pour tout, pour accomplir, pour agir, pour tout faire dans notre vie. Amen. Amen. Again, remember when I see the blood. Erinnert euch daran, wenn ich das Blut sehe. Rappelle-toi de quand je vois le sang. Amen. His blood is our grace. Sein Blut ist unsere Gnade. Parce que son sang, c'est notre grâce. He paid everything with his blood. Er hat alles bezahlt mit seinem Blut und hat gesagt, es ist vollbracht. Il a tout payé avec son sang et il a dit que c'est tout est accompli. When I see his grace. Wenn ich sehe, seine Gnade sehe. Et quand je vois sa grâce. Praise the Lord. Alleluia. Let's go to Revelation 12. How to overcome. Look at how to overcome. We'll go to a few places that we close. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Revelation 12. Offenbarung 12. Verse 11. 12 vers 11. Amen. Apocalypse 12, verset 11. He said, and they overcame by the blood of the Lamb. Do you see the blood there? That's great. From them. Amen. And by the word of their testimony. You can see the two going together. Mm-hmm. I somebody... Apocalypse 12, verset 11. Verse 11. Mm-hmm. You see the two there. Amen. Amen. The blood of the Lamb and the word of their testimony, your confession. Must go with grace. Faith and grace, they are one. They must move together. If not, they become deadly. Yep. Glauben und Gnade müssen zusammenwandeln, sonst werden sie tödlich. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc tu vois que la foi et la grâce, c'est, ça doit toujours être en accord. Well, no, here is helping us to know how to overcome. Hier können wir überwinden. Amen. And they overcame him by the blood of the Lamb. And by, you know, his lies, you overcome his life with the blood of the Lamb. With the finished work of Christ. Mit dem fertigen Werk von Christus. That's how you overcome his lies. So überwindest du seine Lügen. Ici, ça nous fait voir comment vaincre les mensonges du diable. C'est à travers la grâce de quand tu vois l'accomplissement de l'Éternel. Amen. You must know how to defeat his lies. Du musst wissen, wie du seine Lügen besiegst. Tu dois comprendre comment vaincre ses mensonges. Number one, he said by the blood of the Lamb. And by number two, and by the word of their testimony. Praise the Lord. Amen. Your testimony. You know, when you give testimony, you know, whatever is coming out from your mouth is the testimony of the Lord. Amen. I don't know if you are getting it. Il dit, numéro un, c'est à travers le sang de l'agneau. Numéro deux, c'est à travers le témoignage. Donc, tout ce qui sort de toi, de ta parole, de ta bouche, ça doit être le témoignage de l'Éternel. Amen. Amen. That's the power. That's what I call the power of confession. C'est la puissance de la Bezeugung. Et ça, c'est ce que moi j'appelle la puissance de la confession. Amen. Amen. Our confessing the truth is our testimony. Dass wir die Wahrheit bezeugen, ist unser Zeugnis. Quand on confesse la vérité, c'est ça notre témoignage. He said it is through our testimony that we have victory. Durch unser Zeugnis haben wir Sieg. C'est à travers notre témoignage qu'on a notre victoire. Amen. We have victory through our testimony. We have victory through our confessing the truth. That's how we have victory. Wir haben Sieg, indem wir die Wahrheit bezeugen. The blood is backing us. Das Blut unterstützt uns. On a la victoire à travers le sang, parce que le sang de Jésus-Christ, ça nous soutient en fait. Amen. Amen. We don't confess the word, but the truth. We start from here on Wednesday. Wir bezeugen nicht das Wort, sondern die Wahrheit. Amen. Nous, on confesse pas juste le monde ou bien ce que les gens veulent écouter. Mais on est en train de témoigner, confesser Jésus-Christ lui-même. We don't confess the word. We confess the truth. There's a difference between the word of God and the truth. You already know. Zeugen nicht das Wort, sondern die Wahrheit. Amen. Il y a un Unterschied zwischen dem Wort und der Wahrheit. On confesse pas la parole, parce qu'il y a une différence entre la parole de l'Éternel et la vérité. The word is not finished, but the truth is finished. Amen. Das Wort ist nicht fertig, aber die Wahrheit ist fertig. Parce que la parole n'est pas, elle n'est pas accomplie, mais la vérité, elle est accomplie. Amen. We don't confess Moses, we confess Christ. Amen. John 1. On ne confesse pas Moïse, mais on confesse Jésus-Christ. Amen. Amen. The law came through Moses. Amen. The word came through Moses. Amen. The truth came through Jesus Christ. Amen. Parce que la parole, la loi venait à travers Moïse, mais la vérité est venue à travers Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. John 14, verse 6. I am the way, the truth, and the life. Amen. Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jean 14, Amen. 6. Amen. Je suis la vie, la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We can be here. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So please, who